je vous propose de faire une discussion à la fois sur les... Je sais pas si on a le temps. Oui. Sur les contributions de la deuxième partie, mais peut-être également la possibilité de faire le lien avec la première partie. Et je ne dirai rien pour laisser plus de temps. Oui, Jean. J'ai une question pour Hélène Comte. Ce que vous dites sur le sentiment de perte de légitimité en tant que militante face à une nouvelle génération de militantes avec originaire d'un milieu social plus favorisé, ça me fait penser à ce qu'on a pu observer dans la conférence de femmes au Brésil, où les participantes d'origine populaire ont le sentiment que leur parole est confisquée par les militantes féministes qui, elles, sont issues de milieux beaucoup plus favorisés. Alors ma question serait par rapport à au-delà du cas que vous avez présenté, est-ce qu'on peut, de manière plus générale, faire des observations sur un sentiment de dépossession de la part de toute une génération, du côté de toute une génération de militantes populaires d'origine populaire, qui verraient en quelque sorte leur action, même leur parole confisquée par de pauvres. Ça serait une question un peu générale qui part de la protestation. Ça me paraît extrêmement important, le droit de protester comme premier droit de tous, surtout pour les protestants. Mais précisément, le nom vient d'une protestation qui est aussi une protestation, mais qui précède. C'est-à-dire, c'est un droit de protestation des plus hauts aristocrates de l'Empire qui leur permet. Et donc, la différence, c'est le statut. Et il me semble qu'à très bon droit, pendant toute la journée, on a bien dit que les droits, il fallait les situer à des endroits. C'est un petit peu cette diapositive qui prend le contre-pied d'une tradition beaucoup trop, j'allais dire, juridique, figée. Donc on voit les situations, les négociations, etc. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi revenir sur les droits n'arrivent pas comme ça, sur le statut des gens. C'est-à-dire, les gens sans droit, ce n'est pas seulement des gens qui n'ont pas de droit, c'est aussi des gens qui sont d'un statut inférieur. On a parlé de rapports de force, de rapports sociaux. On a parlé aussi souvent d'une chose extrêmement importante, la capacité à inscrire dans la durée. Inscrire dans la durée, soit par la force du droit qui est soutenu par un statut de réputation, des générations derrière, etc., soit qui s'inscrit dans des institutions, donc dans la maîtrise d'institutions. Donc ma question allait dans ce sens-là. Est-ce qu'il ne faut pas aussi réintroduire à l'issue de tout ça la notion du statut personnel, j'allais dire presque antécédent au droit dont il s'agit à tel endroit et à l'issue de telle négociation? Faute peut-être sinon de courir le risque d'arriver à l'endroit où on pourrait presque mettre tous les acteurs au même niveau dans une hiérarchie qui ne serait déterminée que par la négociation. Bien. D'autres questions? Ok, bon. On s'arrête là. Oui, tellement une question pour Thomas, mais excuse-moi, ce n'est pas très clair. Donc, c'est ta conclusion qui m'a interpellée. Tu concluais en disant que finalement, c'était une façon pour toi de faire une archéologie de la question sociale. Dans la région, et donc t'es passé un peu, enfin peut-être que j'ai mal, mais est-ce que tu peux développer ça un tout petit peu et donc regarder, repréciser la façon dont tu articules, c'est un peu un prolongement de la question qui vient d'être posée, dont tu articules, je dirais, la question des inégalités sociales et donc des questions sociales qui se posent, qui naissent de ces inégalités sociales, ou en tout cas qui les expriment, cette sorte de renversement, la conversion. Pas si étrange qu'elle doit faire. Bien, donc. Hélène? Oui, alors en fait, Bon, dans des travaux antérieurs, hein, j'ai mené tout un travail statistique hein, sur les origines sociales d'élus du parti de gauche, donc le parti de la Révolution démocratique, qui s'est en partie constitué autour de mouvements sociaux. Et en fait, dans les années 90, on voit très clairement l'arrivée de milieux populaires à des postes de direction dans le parti, mais aussi à des postes de représentation populaire à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle nationale. Avec l'institutionnalisation du parti, on va assister à un blocage entre guillemets de cet ascenseur social qu'a constitué la formation d'une nouvelle organisation politique et je pense pas trop m'avancer en disant que ça a été une caractéristique assez générale en Amérique latine autour de la création des partis indigènes mais également du Parti des travailleurs au Brésil, etc. D'autant plus que l'institutionnalisation justement de ces mobilisations hein, est donc passée par la construction hein, d'ONG très présente sur le terrain latino-américain qui va écarter les milieux populaires. C'est pas une participation massive comme étaient les organisations populaires et reposer sur des compétences qui sont de nature essentiellement un capital social et éducatif assez élevé, mais sans qu'il y ait une réflexivité par rapport à ces questions-là. Donc là, on est dans une configuration qui est assez partagée, me semble-t-il, à l'échelle latino-américaine, donc bien au-delà du cas étudié. Et ce qui est intéressant et que j'ai pas eu le temps d'évoquer, c'est aussi qu'en fait, dans les mouvements urbains populaires, dans ceux que j'ai pu observer au Mexique, il y a ascension sociale quand il y a trajectoire de couple. Et justement, la señora Flor ne va pas arriver à se remettre en couple, hein, parce qu'il y a très peu d'hommes dans ces organisations qui tournent autour de la vie quotidienne et qui ont mobilisé essentiellement des femmes. Donc les hommes sont très disputés. Et en fait, dans le récit qu'elle fait de sa difficulté dans sa trajectoire militante, hein, revient aussi en permanence cette question de l'incapacité à se mettre en couple et donc à donner ce fameux saut qualitatif qu'elle a du mal à comprendre pendant assez longtemps et qui revient dans l'intégralité des entretiens. Bon, j'ai déjà été assez longue, je laisse la parole à mes collègues. Oui, pour répondre à la question de Christophe, bien sûr, les statuts sont importants et avant d'avoir le droit de se plaindre en tant que protestant, évidemment il y avait des plaintes, mais elles étaient coulées dans les statuts préexistants, c'est-à-dire on sait qu'on a des plaintes protestantes avant 1560, mais ils se coulent dans, par exemple, les états généraux, c'est-à-dire ils ne parlent pas en tant que protestant, mais en tant que représentant, que élu du tiers état de la ville. On sait que c'est des protestants, mais ils ne parlent pas grâce au statut de protestant. Ils prennent la parole grâce à d'autres statuts protégés. On devine qu'ils sont protestants par ce qu'ils disent, mais c'est pas ça qui leur donne le droit. Évidemment, je pense que tu as raison, il faut être très sensible à la question des statuts sur qui proteste, évidemment. Je pense absolument pas que tout se négocie, que tout le monde peut protester, qu'il y a une sorte de communisme juridique et une capacité... La capacité à négocier et la capacité à protester est très inégalement distribuée dans l'espace social. Les bourgeois protestent plus que les ruraux, les hommes protestent plus que les femmes, les riches protestent plus que les pauvres. On le sait. Alors, pour répondre à la question de Myriam, effectivement, bon, je suis allé un peu vite dessus sur cette question de l'archéologie méditerranéenne de la question sociale, qui est une façon d'attirer l'attention en réalité sur le fait qu'il y a dans le droit d'Ancien Régime énormément de figures de la pauvreté qui sont en réalité des figures de la circulation méditerranéenne. le converti, le racheté, la personne qui est en chemin, voilà, le pèlerin, enfin celui qui est envers les lieux saints. Bon, il y a beaucoup de ces figures qui relèvent en réalité du droit des pauvres et qui est forgé par les théologiens et par l'Église pour au cours depuis le Moyen Âge. Et je pense que il y a la question de la rupture des liens, les questions de la désaffiliation ou des problèmes qui sont liés, par exemple, au fait qu'on a un parent qui est captif au Maghreb, ça pose un problème d'inégalité sociale. Ça pose un problème de déclassement social. Et à un moment, ce problème-là s'affranchit de la figure qui est matricielle pour devenir un problème social. Et je pense que voilà, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle en Espagne, la question des successions vacantes est gérée par les commissaires des tribunaux de la croisade. Ce qui me semble effectivement être un de ces liens assez forts entre les expériences méditerranéennes, le droit de l'Église et la gestion des problèmes sociaux provoqués par les absences, notamment. Bon, je pense qu'on arrive au bout de cette table ronde. Je veux remercier tout le monde.